Leçon 4, page 135. C'est en 1993 que je suis parvenu à reconstituer l'arbre généalogique de ma famille. J'ai pu remonter jusqu'à un certain Claude Taponard, né en 1630. J'ai alors lancé des invitations à tous ceux que j'avais identifiés et nous nous sommes retrouvés près de 250 venant d'un peu de partout. Des histoires comme celle-là, ils sont désormais des millions à pouvoir la raconter à leur manière. En quelques années, la généalogie est devenue un véritable phénomène. À chacun sa méthode pour chercher. J'ai commencé par aller à la mairie. Là, on peut consulter les documents d'état civil. On trouve le nom du parent le plus proche, et puis on remonte le fil du temps. On passe ensuite aux archives départementales. On y trouve différents types d'actes qui vont permettre d'aller plus loin. Et si vous êtes curieux, si vous voulez en savoir plus, alors il faut aller consulter les différents registres de l'administration. Il y a le fichier de l'Institut national de la statistique qui renferme 1 300 000 noms, champion du monde. Vous avez aussi le registre des prisonniers de la Bastille, entre 1659 et 1789. Et aussi celui des officiers tués pendant chacune des guerres napoléoniennes, 60 000 noms. Il y a encore le dictionnaire des anoblis, le dictionnaire des ordres royaux, militaires et chevaleresques, et bien sûr le registre de la Légion d'honneur. Avec l'Internet aujourd'hui, les choses sont plus faciles. Les différentes associations ont créé un site généalogie.fr. Il y a déjà 15 millions d'actes dans la base, des actes de naissance, de décès, de mariage. Grâce aux 55 associations, il en arrive 3 à 4 millions de plus chaque année. Avec 30 000 heures de connexion par an au site, il faut être patient pour reconstruire une histoire familiale. Car cette histoire se complique un peu plus chaque jour. Avec 10 millions de personnes d'origine étrangère nées en France, avec un Français sur quatre qui a un parent ou un grand-parent immigré, avec enfin 2/3 de noms d'origine étrangère sur les 800 000 répertoriés entre 1966 et 1990. Et c'est ainsi que Garcia est passé devant Dupont.